Fais pas la bitch, j'ai une poupouille, yeah. J'fais gaffe par la seille, coutou. Et mon bébé fait des poutous. Ah, j'suis son chouchou. J'ai mis de la salade dans le pétou, yeah. Moi non, non, non, j'fais pas joujou. Car mon bébé fait des poutous. Ah, faut les zouzous. Fais pas la bitch, j'ai une poupouille, yeah. J'fais gaffe par la seille, coutou. Et mon bébé fait des poutous. Ah, j'suis son chouchou. J'ai mis de la salade dans le pétou, yeah. Moi non, non, non, j'fais pas joujou. Car mon bébé fait des poutous. Pas boire, ça m'a emboucané. Les flashs de Vovo, ça m'avait scanné. Au final, j'ai bu, j'ai fumé plein. J'écris, j'pense vers le canneau. J't'ai vu, j'étais belle et mignonne. Pas attiré par le million. Et j'aime pas quand tu m'ignores, quand tu me fais la minote. J'suis sonné dans le vide toute la journée. J'ai croisé des bâtards toute la journée. J'ai trop fumé et ma tête tournée. J'vais mettre les vides teintées, ils m'ont tout saoulé. J'ai vu ton vie, j'ai vu tes manières. Pour toi, t'es bizarre, j'sais pas où t'as mal. J'ai vu sa tête le matin, le soir. J'ai vu son gros boule dans le pyjama. Ah, j'oublie tout, tout, tout, j'sais pas, j'vais où. J'suis en fumée, j'oublie mes rendez-vous. Voulez m'éteindre et l'équipe, garez-vous. Et mon père, il brûle comme la fraise, mon pétou. Ah, faut les sous-sous. Fais pas la bitch, j'ai une poupouille, yeah. J'fais gaffe par la seille, coutou. Et mon bébé fait des poutous. Ah, j'suis son chouchou. J'ai mis de la salade dans le pétou, yeah. Moi non, non, non, j'fais pas joujou. Car mon bébé fait des poutous. Wesh le poteau. T'es de la team, que tu fais le signe, viens on fait la photo. Et tous les étés, je me dis qu'il me faut le permis moto. J'fais pas le BG, j'ai le beat, j'ai pas les biscottos. Au resto avec la team, y'a du rosé dans le sodo. Wesh le poteau. Hey hey, il est fou de toi. Mais si t'aimes, je crois qu'il meurt pour toi, ouais. Hey hey, rassure-toi. Elle aussi, elle est dingue de toi, ouais. Hey hey, elle détends-toi. Ou ça va te niquer la compte à tante, ouais. Hey hey, je suis devant toi. Je vais pas me vanter, moi je n'invente pas. Ah, faut les sous-sous. Fais pas la bitch, j'ai une poupouille, yeah. J'fais gaffe par la seille, coutou. Et mon bébé fait des poutous. Ah, j'suis son chouchou. J'ai mis de la salade dans le pétou, yeah. Moi non, non, non, j'fais pas joujou. Car mon bébé fait des poutous. Il m'a laissé un com' de fils de. J'l'ai signalé. J'l'ai signalé. Y'a trop de jaloux là-bas, j'plus envie d'y aller. J'plus envie d'y aller. C'est fini l'époque où j'allais en ville à pied. Je zonnais sous réserve en bingo, j'pillavais. Y'avait pas autant de tout, moi tout s'y avait. Je disais rien même si je le savais. Cours, cours, cours. Y'a les civils, ils sont partout, ouais. Cours, cours, cours. Rien qui tourne, tourne, tourne. Ils ont les gros, ils veulent te mettre à terre. Donc tourne, tourne, tourne. Ah, faut les sous-sous. Fais pas la bitch, j'ai une poupouille, yeah. J'fais gaffe par la seille, coutou. Et mon bébé fait des poutous. J'ai mis de la salade dans le pétou, yeah. Moi non, non, non, j'fais pas joujou. Car mon bébé fait des poutous. Ah, faut les sous-sous. Fais pas la bitch, j'ai une poupouille, yeah. J'fais gaffe par la seille, coutou. Et mon bébé fait des poutous. Ah, j'suis son chouchou. J'ai mis de la salade dans le pétou, yeah.